douce adolescente, mon Anaïs. Oh ma petite fille que j'aime, à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui ai la fièvre, mais moi aussi j'ai mal. Petite fille courageuse, c'est toi qui me rassure.